Le dernier micro ouvert de la saison et c'était rangé dans un tiroir. C'était une prise de son à la Tentation pour Jam Tam Tam. C'était le 24 mars, c'était noté de 18h à 1h du matin. Et Jam Tam Tam, c'est quoi? Vous en avez entendu parler de la campagne, vous avez entendu parler de la campagne Tam Tam, vous avez vu la première vidéo sur les soins de santé. Vous avez partagé les visuels, vous avez suivi tous les débats ou vous en avez simplement entendu parler de loin. La Jam Tam Tam est faite pour vous. Une première grande soirée festive et politique dans le cadre de la campagne Tam Tam. Une soirée pour se rassembler, discuter, se rencontrer, échanger. Alors, cette rencontre durait 2 heures et puis il y a eu un problème technique. Je vous explique vite fait. Mon appareil était branché sur la table de mix et puis un moment donné. Il y a de la musique qui est apparue. Donc ça ne fera pas 2 heures et c'est dommage parce que c'était vraiment intéressant ce qui se disait. Et donc ce sera plutôt 1 heure et des poussières et c'est aussi intéressant ce qu'on va entendre, ce que vous allez entendre. Voilà, j'avais envie de dire ça. Plein de gens intéressants, hein, vraiment, je vous invite à prendre le temps d'écouter ce qui se dit. Et donc, on pourrait conclure par l'espérance de la concrétisation d'un mouvement politique fort avec plein, plein, plein de gens, de différents genres, espèces. Vous voyez, on s'en fout, on n'est pas forcément tous d'accord sur les mêmes points, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être ensemble face au rouleau compresseur qui est occupé à se mettre en place. Voilà, et c'est un peu cette idée-là qui plane maintenant à voir la suite évidemment de tout ça. Alors, on va vous demander d'approcher, s'il vous plaît. Donc, tant les personnes assises aux tables de venir ici devant, pour pas que vous soyez trop loin des intervenants. Les intervenantes et les intervenants, vous êtes la bienvenue aussi ici devant, et il faudra juste passer derrière l'escalier quand vous devez intervenir. Approchez, s'il vous plaît. Une grosse septantaine d'organisations qui poursuivent la campagne. On a démarré sur les questions de santé. L'objectif de la campagne, c'est évidemment de pouvoir dénoncer les mesures politiques aujourd'hui qui déstructurent les droits sociaux, d'abord au niveau de la santé, et puis on a lancé le volet justice. Et notre objectif, c'est de lancer le volet travail. Alors, cette campagne, au lancement, elle a eu évidemment un impact politique assez important. On a eu des retours à la fois de Maggie de Bloch, du gouvernement, qui ont été extrêmement virulents. Ce qui nous pousse à nous dire qu'en fait, on a visé juste. On a touché un point sensible. La santé, ça concerne énormément, ça concerne tout le monde. Et vu l'intensité des réactions politiques, on se dit que cette campagne, elle doit poursuivre et on doit approfondir les thématiques, impliquer davantage d'associations pour faire en sorte que, au moins jusqu'aux élections 2019, les thèmes principaux, santé, justice, travail, démocratie, écologie, puissent être mis à l'agenda politique. Alors, il faut bien vous dire quelque chose, c'est que cette campagne, elle a des très très faibles moyens. Et c'est d'ailleurs un peu contradictoire parce qu'on arrive à avoir de l'impact politique assez important malgré des moyens extrêmement financiers et humains extrêmement faibles. Aujourd'hui, toute cette soirée, elle est à prix libre. On vous invite du coup vraiment à, si le projet de cette campagne vous botte, de participer. Il y a une petite caisse à l'entrée de la salle où vous pouvez vraiment voilà, faire un don pour la campagne. Tout l'argent sera utilisé pour l'organisation de cet événement et puis pour la production des affiches qui sont visibles là, la production des petites capsules vidéo. Voilà. Alors pendant toute la soirée, il y aura à la fois, on va essayer de visionner les capsules vidéo sur cet écran-là. Et un dessinateur aussi qui va projeter, commenter en dessin le débat. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez après boire un verre, etc. On va, j'espère, bien s'amuser tous ensemble. Ja, goedenavond allemaal, welkom. Fijn dat jullie zo talrijk aanwezig zijn. De campagne Tam Tam is een nationale campagne die dus ook in Vlaanderen plaatsvindt. En we vinden het ook heel belangrijk dat er in Vlaanderen een campagne zoals Tam Tam is. C'est notre excellent David qui va être le monsieur loyal de la soirée. Et donc, merci à toi de prêter à cet exercice difficile. Donc, Vanavond, dus de campagne Tam Tam is echt tweetalig. Het is een federale campagne. Vanavond gaat het wel het meest in Frans zijn. Om zeker te zijn, verstaat het hier iedereen Frans? Of sowieso? Er zijn ook veel tweetaligen die tegelijkertijd kunnen vertalen. Dus het is echt geen probleem. Dus als jullie problemen hebben, kom maar naar Sigi hier en we gaan een oplossing vinden om, om tegelijkertijd te vertalen. Donc, comme je disais, c'est une campagne fédérale qui est bilingue. Ce soir, c'est plutôt des prises de parole néerlandophones. Mais le but, c'est que chacun puisse quand même s'exprimer dans sa langue. Et donc, s'il y a des soucis, allez voir Sigi. On va trouver des solutions sans problème pour vous traduire ça en temps réel. Alors, pour la suite de la soirée, on va commencer un peu avec un peu de second degré, avec un peu d'humour, parce que vous savez qu'essayer de transformer la société, et pour le faire dans la durée, avec bonne humeur, il faut pouvoir avoir beaucoup d'autodérision, avoir aussi l'envie de questionner tous les codes et aussi questionner parfois nos idées. Et parfois, l'humour est un très bon conseiller. C'est pour ça que je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Edgar Schotz, qui est chroniqueur à la première, économiste, intellectuel, tout ça, tout ça. Merci David, bonsoir. Je suis plutôt pessimiste de nature, mais maintenant que j'ai entendu David Mendez aligner quatre phrases en néerlandais, j'ai tendance à penser que la révolution est peut-être pour demain. Alors, je n'ai évidemment rien préparé, mais j'ai amené avec moi Mehdi Kassou, de la plateforme de soutien aux réfugiés, que je vous invite à faire venir sur scène avec moi, parce qu'il est beaucoup plus drôle que moi. Mehdi, Mehdi, Mehdi, voilà. Ce garçon est extrêmement persuasif. Parce que sinon, voilà, j'étais censé parler de... Alors, enfin, une des raisons pour lesquelles je le fais monter, c'est qu'on a un vague projet de faire un spectacle ensemble, mais on n'avance sur rien. Et donc, on se dit qu'en se... Enfin, je me suis dit qu'en nous mettant tous les deux sur scène en même temps, on serait obligé d'improviser des blagues. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'en ai préparé deux, puisqu'il s'agit... Mehdi, vous pouvez l'applaudir encore une fois. Voilà, moi je connais juste bien Toto. Je dois même pas vérifier si mon portefeuille est encore dans ma poche. Ça m'impressionne très fort quand je suis à côté de lui. Mais j'ai ton GSM. Donc oui, il sera question, si j'ai bien compris, de santé et de justice. Alors, je sais vraiment pas du tout pourquoi vous m'avez fait venir. C'est deux domaines auxquels je connais absolument rien. Moi, la justice, j'y connais. Ah voilà, il va vous parler de justice parce que moi, justice, jusqu'à très récemment, je pensais par exemple que l'arriéré judiciaire, c'était le surnom de Michael Modricamen, pour vous donner une idée de mon niveau. Et à vrai dire, en fait, ma carrière d'humoriste, je l'ai commencé quand j'étais syndicaliste. Je travaillais à la CSC à l'époque. Et au syndicat, ils se disaient « Ah oui, ce type doit être un bon humoriste. » Et depuis que je suis humoriste, mes collègues humoristes se disent « Ce type devait être un bon syndicaliste. » Pour vous expliquer vraiment à quel point je ne sais pas ce que je fais ici. Mais Mehdi, lui, c'est un showman. Non, moi, tout le monde pense que je suis un repris de justice. Et c'est en tant que repris de justice que tu vas nous parler un peu de ton expérience du pouvoir judiciaire. Non, alors sur la santé, laissez-moi peut-être vous raconter, ça va être pas très drôle, mais une anecdote réelle que j'ai vécue récemment et qui résonne assez fort avec une des revendications de la campagne Tam Tam en matière d'aide médicale urgente. Hein, vous savez que vient d'être votée une adaptation des conditions d'obtention de cette aide médicale urgente pour lutter contre des abus, dont une étude d'un médecin conseil qui était par ailleurs méthodologiquement contestable. Cette étude constatait qu'il y avait 6% de cas d'octroi de soins qui n'entraient pas dans le cadre de l'aide médicale urgente, sauf que visiblement le médecin conseil qui a réalisé cette étude avait assez mal lu l'arrêté qui définissait l'aide médicale, mais quand bien même, il se fait que nous accueillons chez nous de temps en temps des personnes que Mehdi nous envoie. Il les sélectionne pour nous. Que des VIP, voilà. Parmi celles qui sont chez nous actuellement, se trouve un Érythréen qui a eu les tympans percés en fouillant un service militaire, qui est un service militaire à durée indéterminée en Érythrée. Et les militaires l'ont rattrapé, l'ont jeté du haut d'une falaise, il est tombé dans la mer et c'est ça qui lui a percé les tympans. C'était il y a 5 ans, ça fait 4 ans maintenant qu'il n'a plus aucun examen de ses oreilles, donc il en est légitimement un peu inquiet. On est allé à Saint-Pierre pour après avoir pris une consultation au hub humanitaire de la plateforme. Donc il y avait une recommandation d'un médecin pour des examens complémentaires, pour en savoir un peu plus. Et à l'hôpital Saint-Pierre, avant même le vote de la réforme, qui réforme d'un dispositif qui était apparemment susceptible de connaître des abus, on nous a dit « Ah oui, mais c'est il y a 5 ans, donc il n'y a absolument aucune urgence, il peut continuer comme ça ». Donc ça, c'est le dispositif dont apparemment les migrants abuseraient tellement. Et des témoignages comme ça, je sais que Mehdi en a des dizaines. Ça ne va pas forcément approfondir notre duo comique, s'il les raconte. On t'a coupé, voilà, voilà. Bravo Tam Tam, c'est la campagne Tam en fait. Je fais Tam, il fait Tam. Non, mais sinon, que vous dire voilà. Ah, voilà. Une blague d'aide médicale urgente. Ça va pas marcher, ce duo. Non, je sais pas, la justice, moi, la meilleure comparaison qui me vient en tête quand je pense à la justice belge, c'est l'achat en viager, quoi. Vous engagez dans un truc et vous savez jamais quand la décision va tomber, et en plus elle dépend d'un truc un peu glauque en général, et je ne parle pas de la juge Anne Gruet en l'occurrence, hein, mais... Donc c'est un sujet sur lequel j'éviterai de m'aventurer trop longtemps. Toujours rien. Ouais. Ah oui, on a un début de, on a un début de running gag comme ça. Mais voilà, j'ai dit tout ce que je savais sur la médecine et la justice, et j'ai dit toute mon amitié pour Mehdi, et je vous propose l'applaudir très très très vigoureusement, parce que s'il y a N'hésitez pas. Dans ce gouvernement un peu terne, hein, un gouvernement qui, comme je l'ai dit récemment, considère que tout peut durer plus longtemps, les travailleurs, hein, qui peuvent bosser jusqu'à 67 ans, les centrales nucléaires qui peuvent continuer à tourner. L'F-16. Jusqu'à la première explosion de Tihange, la viande qu'on peut congeler 20 ans. Les F-16, apparemment, plus de 20 ans avant leur date de péremption, ça, on peut les remplacer. Et donc, dans ce contexte un peu obscur, je trouve que et la campagne Tam Tam et le travail de la plateforme citoyenne sont des petites étincelles qui, dans le champ très sec de cette société, finiront par mettre le feu à ce qui n'est pas encore de la poudre. Merci, merci beaucoup, Edgar et Mehdi. On vous souhaite... merci, Edgar, c'est merveilleux. On vous souhaite beaucoup de succès... Il y a encore du boulot pour le duo comique, mais on vous encouragera et on vous donnera une deuxième chance avec grand plaisir. Alors, j'aimerais bien appeler maintenant à la tribune. Donc, d'abord, Manuela Accadelli est malheureusement souffrante, donc elle n'est pas avec nous. Mais il y a Cathy Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten qui doit être ici dans la salle. Cathy, ah, super. Est-ce qu'on peut applaudir Cathy, s'il vous plaît? Alors, on est très heureux d'avoir Cathy avec nous. Pour plusieurs raisons, donc c'est une avocate qui va pouvoir dresser un peu le constat du monde judiciaire et des malheureusement des tensions, mais aussi des espoirs possibles. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle va le faire en bilingue. Rien que pour ça, on peut la réapplaudir pour l'encourager. Oh, oh, oh, oh, oh. Attendez. Goedenavond allemaal, ik ben Cathy Verstrepen, zoals gezegd, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten en jammer genoeg niet zo tweetalig als Alexis de Swaaf van la Ligue des Droits de l'Homme. Mais j'ai compris que la plupart entre vous est francophone, alors je vais essayer de switcher entre les deux langues. Alors si vous ne comprenez pas, dites-moi. Hartelijk dank aan de organisatoren om de Liga voor Mensenrechten uit te nodigen. Want de Liga voor Mensenrechten heeft een boodschap. Nous avons un message et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'humour dans notre message. Pas de blague de ma part, surtout parce que c'est très difficile de faire des blagues en français quand on n'est pas francophone, mais surtout parce qu'en justice, il n'y a pas beaucoup, de raisons pour rire. Waarom zijn wij ongerust? Wij zijn ongerust omdat wij een belangrijke vaststelling doen. Dat is dat onze wetgever de laatste maanden, het is al langer bezig, maar de laatste maanden wordt het erger, alsmaar meer de neiging heeft om macht toe te kennen aan de uitvoerende macht. On voit que dans toutes les mesures législatives qui sont prises, que c'est le pouvoir... du pouvoir exécutif qui est renforcé et c'est le pouvoir de judiciaire, de rechterlijke macht, die ingekrompen wordt. En dat is zeer verontrustend, want dat schendt de scheiding der machten. En die scheiding der machten is superbelangrijk voor onze rechtsstaat. En ik kan een aantal voorbeelden geven. Je peux vous donner quelques exemples. La loi déportation, une loi qui a été votée, une loi qui est passée dans le Parlement, qui autorise l'Office des étrangers de renvoyer un étranger sans papier ou avec papier, ça n'a pas d'importance, mais un étranger dont l'Office des étrangers pense qu'il peut nuire à notre ordre public ou à notre sécurité nationale, un étranger peut être renvoyé dans son pays d'origine, même si ce pays d'origine est la Belgique. Et ça, vraiment, c'est dramatique, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être renvoyés dans un pays qu'ils ne connaissent pas, un pays où les parents ou les grands-parents sont nés, mais le pays qu'ils n'ont jamais été avant, il peut être renvoyé sans qu'il y ait un juge qui vérifie ce dossier. C'est juste l'Office des étrangers qui peut prendre cette décision. Il y a moyen d'introduire un recours contre une telle décision, mais ce recours n'est pas suspensif. Ça veut dire que la personne est renvoyée déjà et il doit espérer qu'il trouve encore un avocat ici en Belgique qui peut défendre ses intérêts dans son absence. Autre exemple, de hervorming qu'on est en train de faire dans la procédure pénale. Là, on voit que beaucoup plus de pouvoir est donné au ministère public, qu'on va mettre fin au juge d'instruction. On va le remplacer par le juge de la procédure, qui est tout à fait différent, bien sûr, que le juge d'instruction, et que là aussi, le ministère public aura beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Maar ook op lokaal vlak zien we dat er een aantal belangrijke verschuivingen zijn. Burgemeesters krijgen alsmaar meer bevoegdheden die hen toelaten om cafés, restaurants, winkels te sluiten zonder dat daar nog een rechter aan te pas komt. Beroep is altijd mogelijk, maar natuurlijk, ondertussen zijn we zoveel maanden verder. Een heel belangrijk voorbeeld nog, un dernier exemple, c'est la loi concernant la reconnaissance des enfants. À partir de la semaine prochaine, ça sera possible pour la commune de refuser quelqu'un de reconnaître un enfant. Bien sûr, ça sera normalement le papa qui voudra reconnaître un enfant. Imaginez-vous une dame belge qui a un enfant avec quelqu'un qui n'a pas de papier. Ce monsieur voudra bien reconnaître cet enfant parce que c'est lui le papa biologique, mais quand il va aller à la commune pour reconnaître son enfant, ça suffit que la commune dit « ah mais non, on croit que vous reconnaissez simplement cet enfant pour avoir un permis de séjour, même que vous êtes le papa biologique de cet enfant, on ne vous autorise pas de reconnaître votre enfant ». Il n'y a pas de juge qui doit décider ça, ça suffit que la commune soupçonne qu'il y a un abus de droit juste pour avoir un papier de séjour, qu'on peut refuser un papa de reconnaître son enfant. Bien sûr, là aussi, un recours sera possible au tribunal, mais là, le tribunal va demander un avis au procureur du roi. Et imaginez-vous, bien sûr, ces dossiers-là ne seront pas la priorité pour le parquet. Ça veut dire que ça prendra des mois, peut-être des ans, des années, pour avoir un avis du parquet. Et tout ce temps-là, cet enfant sera sans papier, cet enfant sera sans droit, et bien sûr, le papa aussi. Juste pour vous dire que nous sommes, enfin, we zijn ongerust, on s'inquiète de l'IGA. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être vigilant. D'être très vigilant. On aura des élections locales maintenant cette année-ci. On aura des élections l'année prochaine, les élections fédérales. Et on vous demande de bien vérifier les programmes des partis politiques pour savoir qu'est-ce qu'ils font en matière de droits de l'homme. Est-ce que ces programmes respectent les droits de l'homme ou est-ce qu'ils ne le respectent pas? Et sinon, on vous prie bien sûr de ne pas voter sur ces partis-là. De l'autre côté, on vous demande d'être actif. Et je suis très, très, très content que vous êtes ici ce soir. Et je dois vous dire qu'on s'inquiète, mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'espoir. There is hope. En dat maakt mij heel gelukkig. Ik zie dat het merendeel onder jullie, en ik verontschuldig mij bij de ouderen in de zaal waartoe ik mijzelf reken, maar ik ben heel blij dat ik zo'n jong publiek zie. Want het is van jullie dat het moet komen. Het zijn jullie die moeten gaan preken. Et c'est ça ce que je veux vous demander. Il faut parler, il faut en parler. Et bien sûr, c'est ça le problème. On parle toujours avec lesquels qui sont convaincus déjà. Tout le monde parle avec ses amis sur Facebook. On est toujours dans le même réseau. Mais c'est ça ce que je voudrais vous demander. Essayez d'en parler avec les gens qui ne sont pas encore convaincus. Parce que c'est eux qu'on doit avoir. Et si tout le monde qui est convaincu déjà veut ou peut convaincre 4 autres personnes, on sera beaucoup loin qu'aujourd'hui. Et ce que je veux vraiment, c'est que les droits de l'homme, de mensenrechten, dat wordt een olievlek. Je ne sais pas comment on dit ça en français, une tache de l'huile, un marée noir. On parle de marée noire. Ouais, bon. Une tache d'huile, ouais. Une tache d'huile, c'est bien. Ouais. Voilà. C'est ça ce que je veux. Parce qu'on parle souvent d'une boule de neige, mais ça sert à rien. Une boule de neige, vous savez bien. 2-3 jours après, il ne reste plus rien de cette boule de neige. Ça devient une pâte, ça sert à rien. Mais une tache de l'huile, ça, on ne sait pas effacer. Avec n'importe quoi, on peut utiliser, ça ne s'efface pas. Et c'est ça ce que je veux. Les droits de l'homme, ça doit devenir une tache de l'huile qu'on ne peut plus effacer. Et ça, c'est à vous de le faire. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais appeler Hélène Dispas, s'il vous plaît, qui est médecin généraliste, qui est aussi de la Fédération des maisons médicales. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, pour l'accueillir. Comme vous le savez, les 3 premières semaines de la campagne ont vraiment été centrées sur la santé et sur les challenges et malheureusement les dérives en cours. Il y a eu un switch sur la justice qui a lieu pour l'instant. Hélène, on propose qu'elle puisse témoigner aussi vraiment du début de la campagne et de tous les défis qui sont en face de nous maintenant, face aux questions de santé, mais aussi aux questions d'accessibilité et de soins pour toutes et tous. Mais bonsoir. Donc, vous l'avez compris, je viens ce soir avec une double casquette. D'abord, je porte la casquette de représentante politique pour la Fédération des maisons médicales. C'est une fédération pluraliste qui, actuellement, représente la grosse majorité des maisons médicales et qui était heureuse de pouvoir participer activement à cette campagne TAM-TAM. Et puis, c'est ma deuxième casquette que j'ai envie de porter ce soir. C'est ma casquette de médecin généraliste en maison médicale à Molenbeek. Voilà, ma contribution, c'est de vous apporter un petit témoignage de mon quotidien. Docteur, j'ai mal au ventre. La tragédie est posée. Ah, dis-je. Il est là, devant moi. Il a 50 ans. Il porte une casquette. Il a une barbe mal rasée. Je sais qu'avant, il travaillait au supermarché, il portait des caisses toute la journée. Il boit un peu, à mon avis. Il ne me ressemble pas. Moi, je suis ici. Mon cerveau limbique, le cerveau primitif, mon cerveau de médecin, fille de médecin, qui lui-même était fils de médecin, se dit d'abord, ah, encore un qui mange n'importe quoi. Et puis, il y a mon deuxième cerveau, le cortex frontal, un peu plus évolué, celui qui était formé en maison médicale quand même, qui se dit, mais non Hélène, les déterminants sociaux de la santé quand même, lui, il n'a pas eu la chance que tu as eue. Toi, depuis que tu es petite, on t'a appris à manger des légumes, on t'a appris à te brosser les dents, on t'a payé des études, t'as pas un job de merde, enfin quoique parfois je me le demande, mais bon. Lui, il n'a pas eu le choix, il est différent de toi, tu dois l'accepter comme il est, ok. Et puis je vous passe la suite de la consultation, comme d'habitude, je papote avec lui, je l'examine, etc. Et au moment où je m'apprête à lui faire mon petit speech bien-aimé sur l'hygiène de vie, il m'interrompt. Il me dit « Oui, mais docteur, je sais. » Ah, c'est le chômage qui me donne mal au ventre. Ah, dis-je. Là, je viens de me prendre une petite piqûre de rappel qui me fait du bien, c'est pour ça que j'aime mon métier. Il vient de me rappeler en 2 secondes que, en effet, je suis à côté de la plaque. Et je le sais, parce que je le sais au fond de moi, que c'est notre société génère des maladies. Et c'est pas que une question de classe sociale, de déterminants sociaux, etc. Les caisses publiques sont vides, paraît-il. Il faut faire des économies. C'est la crise, il n'y a pas assez d'emplois. Et puis c'est la faute de qui? C'est la faute des chômeurs, c'est la faute des terroristes. C'est aussi un peu la faute des migrants. Enfin, en tout cas, je simplifie volontairement, hein. Mais c'est quand même un peu près ce qu'on entend tous les jours. Ce sont leurs mots. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on culpabilise les individus jusqu'à les rendre malades. Et voire même, des fois, on leur suggère carrément de devenir malades. Demandez aux médecins qui vous mettent en maladie. On entend ça parfois dans les CPAS, à l'ONEM. Et c'est ainsi que commence une petite partie de ping-pong entre les différentes caisses publiques. Ça, c'est notre réalité. Heureusement d'abord, on est content de savoir qu'on est quand même nombreux à l'avoir compris. On sait que des initiatives comme Tam Tam, ça permet de nous connaître, ça permet de le faire savoir, et on sait qu'on pense, nous, qu'il faut trouver d'autres solutions. Heureusement, notre gouvernement actuel, disais-je, qui quand même est élu, il faut le rappeler, eux, ils ne voient pas les choses sous cet angle. Ils continuent d'appliquer des recettes qui sont à l'œuvre depuis plus de 30 ans, et même de les durcir. Privatiser ce qui appartient au bien commun, comme la santé, ça semble être leur ligne de conduite. Et ce, en dépit de nombreuses études qui prouvent que ce n'est pas plus rentable, ce n'est pas plus efficient, et ce n'est même pas plus qualitatif pour les plus riches. L'exemple criant des États-Unis, ça devrait leur suffire, mais apparemment ça ne suffit pas. Autre exemple, on ne touche pas évidemment à l'industrie alimentaire, et surtout pas, encore moins, voire on les privilégie, à l'industrie pharmaceutique, en sachant pertinemment que la malbouffe généralisée et la surconsommation de médicaments, c'est quand même 2 grandes faucheuses de santé publique. Et enfin, j'ai envie de partager un dernier exemple, un tout petit peu hors cadre, mais j'imagine que vous êtes au courant de la récente nouvelle idée du ministre Gaines d'intégrer les ASBL dans le code des sociétés, qui est quand même un dernier exemple criant qu'il y a un déni profond pour le sens de ce qu'est le secteur non marchand, pour la possibilité de faire des choses dans notre société qui ne sont pas de type activité économique, mais non-profit. Voilà où on en est. Mais bon, voilà, je dois quand même aussi avouer un petit peu que parfois je suis mal à l'aise avec ce slogan, leur mot, notre réalité. Parce qu'après tout, des politiciens, ils font ce qu'ils pensent qui est bon. Enfin, je l'espère. Et personne ne sait ce qu'ils pensent. Personne ne sait au final ce qui est vraiment bon. Et puis surtout, ce qu'ils font, les politiciens, c'est faire ce qu'il faut pour avoir des voix. Et c'est là qu'on y est. Et c'est là que je me demande parfois, également, je me demande si on n'est pas aussi un tout petit peu vecteur de cette réalité qu'on n'aime plus. Je me demande parfois si mes préjugés sur ce patient, par exemple, et si mes préjugés ne faisaient que entériner encore plus tout ce côté fataliste des choses. La vieille Europe, il semble, a du mal à savoir où elle va. J'ai récemment lu qu'il nous manquait une utopie collective, qu'on n'ose plus rêver. Et comment est-ce qu'on peut avancer si on ne sait pas où on va ? On sait ce qu'on veut garder, et c'est super important, il faut continuer à se battre pour ça. On sait qu'on veut garder les idéaux qui se sont construits après-guerre, on veut une sécurité sociale, solidaire, universelle, et j'ai même envie d'ajouter nationale, malheureusement il faut l'ajouter maintenant en Belgique. On sait qu'on veut le droit à la santé, on sait qu'on veut le droit à un travail décent, on sait qu'on veut respecter les droits de l'homme. Oui, Mais qu'est-ce qu'on veut de plus ? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Au quotidien, est-ce qu'une partie de la solution, et ce n'est qu'une partie, j'en suis bien consciente, est-ce que ce ne serait pas de commencer par nous aussi entrer en résistance ? C'est-à-dire désobéir quand ça devient de la bureaucratisation absurde. Quand on nous demande de remplir des formulaires stupides, quand la justice, vous avez entendu avec le témoignage qui vient de passer, commence à délirer. Est-ce qu'on pourrait oser aussi changer leurs mots, changer nos mots pour en utiliser de nouveaux, vecteurs d'une autre idéologie ? Est-ce qu'on pourrait oser être réaliste, mais optimiste ? Les maisons médicales belges, qui souhaitent offrir des soins gratuits et de qualité à tous, c'est un exemple parmi beaucoup, beaucoup d'autres. C'est un exemple pour moi que des rêves peuvent aboutir, même si on est loin d'être parfait. Et on est quand même heureux, malgré tout ça, d'être là ce soir pour pouvoir le partager avec vous. Merci. Encore un petit truc. J'en profite pour faire juste un petit peu de publicité. J'ai déposé sur les tables des magazines santé conjuguée de la Fédération qui justement sont consacrés au thème de l'analyse des politiques néolibérales et les conséquences sur la santé. Et servez-vous, voilà. Merci Hélène. Alors comme l'a dit Hélène, il y a aussi des dimensions d'espoir, des choses qui font du bien. C'est pour ça qu'on va passer un mini interlude avant de passer la parole à Vinciane. On va passer la vidéo d'une action qui a eu lieu la semaine passée. Si je ne me trompe pas, c'était vendredi passé, donc il y a maintenant un peu plus qu'une semaine. Et donc c'est une action qui a été faite dans le cadre de la campagne, on va dire TomTom. Donc c'est la version, je dirais, plus militante ou activiste de gens qui prennent part à la campagne à leur manière, avec leur propre mode d'action. Accueillir Vinciane Salier de l'ASBL iCare, qui va aussi témoigner de leur expérience aussi avec différents profils et aussi différentes réalités liées à la santé. Bonjour à tous. iCare, vous connaissez sûrement pas. C'est une ASBL que j'ai fondée avec deux autres personnes il y a maintenant 2 ans. On est ici au croisement entre justice et santé. Parce que si cette ASBL est née, c'est face à nos constats d'une catastrophe, on va dire, en matière d'accès aux soins, d'équivalence de soins entre ce qu'on peut trouver à l'intérieur des prisons et à l'extérieur. Donc face à ce constat, on s'est dit que, voilà, comme vous le savez peut-être, la santé est confiée à la justice et que finalement on en parlait très très peu à l'extérieur. On parlait beaucoup des conditions carcérales, de la surpopulation, des questions liées aux agents pénitentiaires, etc. Mais la santé, c'était un sujet dont on parlait peu et qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc on s'est installé quelque part en laboratoire d'innovation en santé et milieu fermé. Quand vous entendez milieu fermé, ça veut bien dire qu'en fait, à terme, on aimerait bien travailler dans d'autres domaines, dans d'autres lieux comme les IPPJ, les centres fermés, etc. Mais pour le moment, on se concentre sur le milieu carcéral. Alors, Laboratoire d'innovation, ça veut dire quoi? C'est qu'en même temps, on est sur le terrain pour essayer de mettre en place des projets innovants. Mais on est aussi beaucoup en contact avec les professionnels qui sont eux-mêmes, on va dire, en lien avec des détenus ou ex-détenus. Et puis, on a tout un volet plaidoyer, un volet politique pour essayer de faire changer les choses. Voilà. Alors, changer les choses, lesquelles? C'est d'abord, je dirais comme diagnostic, le fait qu'on a en prison donc 11 000 détenus, donc 26 000 qui y passent chaque année. Et ces 26 000, globalement, sont dans un mauvais état de santé, avec un bagage éducatif souvent faible, avec des troubles psychiques graves pour 70% d'entre eux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Centre fédéral d'expertise, avec une prévalence de hépatite C, un risque suicidaire beaucoup plus important qu'à l'extérieur, avec des consommations de drogue, etc., etc. Donc on a une population qui a beaucoup de besoins, pas toujours beaucoup de demandes, parce qu'ils n'ont pas toujours été très habitués à avoir des réponses à leurs besoins. Et quelle est la réponse qui est donnée aujourd'hui à cette population et à ses besoins? D'abord, une infrastructure générale qui, on va dire, ne fait pas santé hein, dans les conditions carcérales du quotidien. Et puis, un système donc, qui dépend de la justice et qui renforce encore les inégalités sociales en santé. Alors, pourquoi ça nous pose problème que la santé dépend de la justice? D'abord, on dit souvent que c'est un petit peu comme si vous alliez chercher votre pain chez le coiffeur, vous allez vous faire coiffer chez votre boulanger. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, en termes même de compétences. Et puis, ça veut dire aussi que c'est une enveloppe commune. Entre sécurité et santé, c'est la même enveloppe. Et on sait bien ce qui gagne, hein, entre sécurité et santé, ce sera toujours la sécurité. Et on voit d'ailleurs d'année en année que le budget santé des prisons diminue. En 2015, on était à 31 millions, en 2016 à 26, et ça diminue encore maintenant. Alors, l'assurabilité aussi, donc en matière de sécurité sociale, est suspendue pendant la détention. Ça veut dire que la politique de l'autruche est la plus efficace, puisqu'il vaut mieux, en fait, ne pas savoir de quoi souffrent les gens, histoire qu'ils sortent vite et qu'on n'ait plus affaire à eux, que ce soit l'INAMI, finalement, qui porte le coup d'éventuels traitements. Donc, on voit bien en prison que les dépistages sont vraiment sous-développés, parce que comme ça, on ne sait pas et qui ne sait pas ne doit pas soigner. Alors, qu'est-ce qui pose problème aussi? C'est qu'il y a un manque d'effectifs énorme. Hein. Le dernier rapport du Conseil de l'Europe la montre que, par exemple, à Saint-Gilles, il y a un temps plein médecin généraliste alors qu'il en faudrait trois. C'est pareil dans les autres établissements en général. Et on a des consultations médicales qui, en moyenne, font 3 à 4 minutes par consultation. Vous imaginez déjà, vous, chez le médecin généraliste, 3 ou 4 minutes. Mais alors, en établissement pénitentiaire, dans les conditions du quotidien, ça pose vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. On voit même, ici à Bruxelles, des consultations qui se font, et c'est pas une blague, hein, à travers les portes de cellules. Il y a deux détenus dans la cellule et c'est à travers le petit carré que finalement la consultation médicale va se faire. Donc c'est une situation évidemment extrêmement problématique à ce niveau-là. Alors qui dit aussi enveloppe commune entre santé et justice, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de problèmes de conflits de double loyauté avec des intervenants en santé qui finalement ont comme responsable... comme patron, on va dire, la justice, et en même temps, ils sont là pour le bien des détenus, de leurs patients, et donc là, on peut avoir des problèmes de double loyauté qui sont régulièrement rencontrés. On a aussi un sous-financement de la promotion de la santé, donc nous, on voit tous les jours des gens dans les établissements qui sont sans connaissances spécifiques par rapport à ce dont ils souffrent, et avec beaucoup de questions, beaucoup de besoins, et auxquels ils ne trouvent finalement pas de réponse. Il faut savoir aussi que dès que quelqu'un veut voir un spécialiste, il va souvent bouger d'une prison à l'autre pour aller voir le spécialiste. Donc soit en allant dans une prison spécifique, soit en allant voir un médecin dans un hôpital général. Et on voit déjà à ce niveau-là aussi qu'un tiers de ce qu'on appelle les extractions médicales sont supprimées, souvent en dernière minute, par manque d'agents pénitentiaires ou de possibilités de mouvement. Donc là aussi, on voit que l'accès aux soins est franchement pas... du tout à la hauteur des besoins. Et pour vous donner une idée, si j'étais incarcérée, j'allais dire à Namur, même s'il n'y a pas de femme à Namur, et que j'ai besoin d'aller voir l'ophtalmo, on va m'envoyer à la prison de Lantin. Et est-ce que vous avez une idée du temps qu'il faudra pour que je puisse réintégrer ma cellule en quittant cette cellule, donc pour avoir cette consultation médicale qui peut-être durera 20 minutes, en moyenne une semaine? Alors, une semaine pour des questions pratiques, techniques, parce que je vais être envoyée à Bruxelles, puis être envoyée à Lantin, et puis il sera peut-être vendredi, et puis ma consultation chez l'ophtalmo, ça sera lundi, puis il faut me ramener à Bruxelles, me ramener à Namur. Mais ça a énormément de conséquences parce qu'on a beaucoup de détenus qui, en fait, refusent d'aller voir finalement le médecin spécialiste. Parce que qui dit sortir de sa cellule, c'est se retrouver en situation d'insécurité. Je ne sais pas où je vais, dans quelle cellule, avec qui, je n'ai pas mes affaires, je n'ai pas mes visites, je ne sais pas si je reviendrai de là où je viens, etc., etc. Et donc on a comme ça énormément de problèmes au quotidien. Alors ça, c'est les constats. Qu'est-ce qu'on veut face à ça, face à tous ces problèmes qui ne font que renforcer les inégalités sociales en santé? On a quand même des détenus qui, pour beaucoup, sont dans des situations de stress et d'ennui et qui, quelque part, qui ont du temps. On pense ce qu'on veut, de l'incarcération ou pas, mais une fois qu'ils y sont, il y a vraiment tout un travail, on va dire, qui pourrait être fait pour un accès aux soins, une équivalence de soins par rapport à l'extérieur. Donc on veut avant tout une indépendance des soins de santé. Et surtout que les 7 principes fondamentaux, ceux qui sont définis par le Conseil de l'Europe et par l'OMS, soient respectés. Et en Belgique, aucun des 7 n'est respecté. Ce sont lesquels, de mémoire, l'équivalence de soins, bah, l'accès aux soins, l'intervention sanitaire, tout ce qui est prévention aussi, la confidentialité. Alors c'est tout bête la confidentialité, mais elle n'est absolument, absolument pas respectée aujourd'hui. Donc un transfert de compétences maintenant devient une urgence, dans la mesure où, comme l'accès aux soins voilà, n'est pas respecté, on se dit qu'un transfert vers la santé publique sera déjà une amélioration. Vous allez me dire, avec tout ce qu'on dit de la santé en général à l'extérieur, est-ce que ça sera vraiment une amélioration? On pense en tout cas que ce sont vraiment les fondations pour les améliorations, rien que par le fait qu'on puisse commencer à penser santé, avec des acteurs santé, et pas toujours penser sécurité et justice. Donc ça, c'est le premier élément. Et il sera important de faire pression par la suite pour ce transfert de compétences. On a bon espoir maintenant, parce que le CACE, le Centre fédéral d'expertise, a mené une étude sur le sujet, et clairement, sa seule recommandation, enfin, avec tous les détails, c'est le transfert de compétences. Mais bon, quand on voit comment, justement, l'étude sur l'AMU n'a pas été du tout respectée là, avec les derniers votes, on doit quand même rester vigilant autour de ça pour ce transfert de compétences. On veut aussi, évidemment, une assurabilité des détenus qui, là, maintenant, donc, ils ont leur sécurité sociale suspendue pendant la détention. Ça veut dire aussi que quand ils sortent, le temps que ça se remette en route, ça prend parfois beaucoup de temps et ça pose d'énormes problèmes d'accès aux soins à la sortie. Et enfin, il y a encore un élément vraiment important, c'est que c'est tous les mécanismes de surveillance qui permettent de mieux surveiller les prisons que ce qui ne se fait aujourd'hui. Pour le moment, on a le CPT qui vient de manière assez régulière, puisque on est quand même un des pays qui est dans le collimateur de ce comité de prévention de la torture et des traitements inhumains. On a des commissions de surveillance qui font tout ce qu'elles peuvent, qui font très bien leur travail, mais qui restent quand même des groupements bénévoles dans les prisons et qui ont peu de marge de manœuvre et de pression. Et on sait que la Belgique a signé en tout cas l'OPCAT, qui est un mécanisme de surveillance qui serait plus bénévole mais plutôt professionnel, depuis des années, et qu'il ne l'a pas ratifié. Et on veut vraiment que ce mécanisme de surveillance soit mis en place, parce que qui dit avancer en tout cas au quotidien sur la santé en prison dit aussi une meilleure surveillance des lieux qui sont encore gérés de manière très très opaque. Voilà, en gros. Alors nous, donc, dans le quotidien, on essaye en même temps de créer du changement local en travaillant dans certains établissements et en traquant, on va dire, toutes les petites et grandes violences et non-accès aux soins. Mais je vous avoue que c'est vraiment un cheval de bataille. Souvent, c'est David contre Goliath. On a beaucoup de pression, parfois beaucoup de menaces, sans exagérer, par l'administration pénitentiaire. Et on se bat pour des choses de type... je vais vous donner un des derniers exemples en date. Une détenue qui a besoin d'une révision dentaire importante. Le dentiste, quand elle peut le voir, parce qu'il faut beaucoup de temps d'attente, lui dit ça ne sera pas pris en charge entièrement, en tout cas par la justice, vous allez devoir payer. La détenue n'a pas d'argent pour payer cette réparation. Et donc nous, on essaye de faire le lien entre dentiste, par exemple, et détenu, et on demande un devis au dentiste. On met 3 mois à obtenir un soi-disant devis, et en fait, on a reçu un morceau d'une page A4 déchirée. Il était écrit haut 250 euros, bas 320, je crois. Point barre. Alors que notre idée au départ, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait faire intervenir le CPS de la personne autour de cette histoire et d'ailleurs de vérifier la légalité de cette affaire. Et donc c'est tous les jours comme ça des batailles au quotidien pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre un accès aux soins plus important. Mais ça passe d'abord par une écoute de gens qui sont souvent régulièrement, en tout cas dans des situations d'abandon absolument extrêmes. Donc voilà, donc si vous voulez suivre un petit peu les choses, d'abord iCare a un site et une newsletter qui sort tous les 2-3 mois, et justement il y en a une qui est sortie sur cette question de transfert de compétences, de son importance, des enjeux, etc., que vous pouvez trouver sur le site. Et puis je crois qu'à terme il va falloir vraiment travailler ensemble pour ne pas lâcher cette affaire de transfert de compétences, parce que voilà, ça se fera en tout cas pas avant les élections, et on sent bien maintenant que dès que nous on veut faire avancer les choses, faire bouger les choses, on nous dit stop, stop, stop, de toute façon on est occupé à travailler au transfert. Mais voilà, à mon avis, 3, 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas quand ça va se faire, malgré que c'est une recommandation de l'OMS depuis des années et des années. Et que, par contre, le côté positif, c'est que de plus en plus, là, il y a des pays qui agissent dans ce sens, et qu'on est vraiment dans un système où ça s'emballe quelque part en Europe, et c'est plutôt positif parce que ça va permettre à la Belgique d'avancer aussi sur ce point. Voilà en très résumé. Merci beaucoup Vinciane. Merci mille fois d'avoir pu montrer que les liens entre justice et santé en fait sont fondamentaux et que c'est le revers de la même pièce. J'aimerais bien que vous accueilliez, et avec beaucoup d'applaudissements, Paul Mosseret, qui est comédien, chroniqueur sur La Première et plein d'autres belles choses, notamment aussi un activiste et un militant au quotidien, et qui va nous faire terminer cette partie de la soirée. Donc après la chronique de Paul, je vais demander directement, en fait, dès maintenant, aux intervenants du panel qui va suivre de venir déjà, parce qu'on va directement enchaîner pour pas que la soirée ne se lance, ne dure trop longtemps. Donc les prochains intervenants, donc c'est Christine Mailly. Salut Christine, je te vois. Viens, rapproche déjà, comme ça on va enchaîner. Pierre Kohl, que j'ai vu tout à l'heure aussi, de Solidaris, et Yves Ellendorf, que j'ai vu passer, donc la CNE. Donc déjà vous préparez, donc si tu peux déjà venir, et donc on va enchaîner après la chronique de Paul. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Ce que David n'a pas dit, c'est que généralement on fait de la musique ensemble en fait. Du coup quand il m'a parlé d'une jam tam tam, moi je pas tout à fait saisi, donc j'avais amené mon instru, voilà, ça c'était la meilleure blague que j'avais. Donc j'espère que vous l'avez aimé parce que c'est la seule. Non, c'est un peu un tour de passe-passe, je vais m'en sortir. Souvent je fais une blague très très nulle, comme ça le reste a l'air vachement mieux. Voilà. Du coup, moi je suis moins bon improvisateur qu'Edgar, donc j'ai préparé un peu. Voilà. Mais ce qui n'est pas faux, c'est que notre ami Paul est aussi musicien, et pour ça on peut l'applaudir une deuxième fois. Voilà, donc, alors Tam Tam, Kesaku. Hein, ben revenons d'abord à l'essence, même si ça coûte de plus en plus cher. Et je voudrais dissiper d'abord tout malentendu sur le terme tam-tam, qu'on associe généralement à un instrument de ce type, alors que pas du tout. Non, en fait, le tam-tam, c'est un instrument circulaire, rond, asiatique, plus proche d'un gong, en fait. Voilà. Donc en fait, un tam-tam, ça fait gong, ça fait pas tam-tam. Voilà. On s'en fout, mais quand même, les termes, c'est important, je pense. Je pense que c'est même carrément primordial, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi ici, hein, c'est même pratiquement là-dessus que la campagne se mène. Hein. Donc pour ceux qui en douteraient encore, bah, prenons par exemple le personnage clé de la série Game of Thrones, je ne sais pas s'il y a des aficionados ici, hein, il s'appelle Jon Snow, voilà, un nom qui défonce sa mère et qui met en émoi n'importe quelle nénette du royaume du Nord. Mais le traduisez-le en français, ça fait Jean Neige. C'est juste une blague ratée de Monsieur et Madame Neige ont un fils. Donc l'importance des mots, j'insiste, c'est assez primordial. Voilà. Alors vous vous demandez peut-être où je veux en venir avec toutes ces conneries. Bah, j'y viens, mais d'habitude je fais des chroniques de 3 minutes, là j'en ai 5, donc je me suis fait plaisir, voilà, tout simplement. Alors bon, si je vous parle du Royaume du Nord, c'est pas pour rien, c'est parce que justement la Finlande vient d'être nommée le pays où on est le plus heureux. Si vous êtes un ours polaire éventuellement, mais donc il me semble aussi que c'est un peu ça la campagne Tam Tam, hein. L'idée c'est quand même d'essayer d'être heureux, hein. C'est de tenter de nous offrir une réalité plus adéquate avec nos valeurs, donc être heureux, hein, nous sommes d'accord. Bah, c'est bien beau, mais comment, qu'est-ce qu'ils ont fait les Finlandais pour être si contents? Alors évidemment, dans un premier temps, il y a la méthode choc, c'est-à-dire Prozac, alcool, ne pas confondre avec la méthode Edgar, shot, qui plutôt d'abord alcool et puis Prozac. Je ne sais pas s'il est dans la salle encore, mais c'est cadeau. Et enfin, il y a la méthode finlandaise qu'on appelle l'eugénisme à la scandinave. Alors, c'est un peu comme une recette de rognon, mais parce qu'il s'agit quand même de castrer les éléments faibles de la société. Voilà, j'ai nommé les handicapés, les violeurs, les immigrés et les chômeurs, puisqu'il est évident que le chômage est une maladie héréditaire qui ne se soigne qu'avec la flexibilité. Il paraît. Bref. Bon, alors du coup, avec le temps, avec le nazisme, tout ça, c'est devenu un peu mal vu hein, de stériliser les faibles comme ça. Du coup, il a fallu trouver autre chose hein, pour que le faible ne prolifère pas. Hein, ces petits chauds lapins, hein, quand c'est gratuit, on se fait plaisir, évidemment. Et alors, c'est là qu'est arrivé l'ange salvateur, l'oncle Friedman et ses copains de Chicago, qui débarquent dans la place et qui remplacent la castration physique par... le suicide ou le burn-out, pour les plus courageux, vous appelez ça comme vous voulez, hein, et qui est quand même, vous me l'accorderez, beaucoup plus politiquement correct comme outil de domination. Voilà. Donc dans les années 1970, on abroge la loi des stérilisations. Merci qui ? Merci Milton. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Mais donc grâce à Milton, en Finlande comme ailleurs, on a maintenu le statu quo des dominants sur les dominer, évidemment. Alors ça me pose une question, est-ce que pour être heureux, il faut éradiquer les faibles et ne vivre qu'entre riches ? Question éminemment pertinente. Eh bien non, en fait, parce que en fait, les Finlandais sont heureux parce qu'ils ont le sauna. Voilà, c'est ça, le secret du bonheur. Non, je déconne, non, c'est parce qu'en fait, le Finlandais a une espèce de force mythique qui habite chez lui, hein, qu'on appelle le Sissu. Je ne sais pas s'il y a des Finlandais dans la salle. Sissu, je pense que ça se prononce comme ça. Sissu, hein, c'est un terme qui mêle abnégation, courage, capacité de se remettre sur pied. C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un terme à la mode, la résilience, voilà, entre guillemets. Donc, c'est parce qu'après le passage de Milton et ses amis, le Finlandais a retrouvé ses parties génitales et il ne s'est pas laissé démonter. Et même si le système a encore des failles, c'est le pays au monde où les différences de salaire sont les plus faibles. Tout ça grâce au Sisu. Donc, pour répondre à ma question, est-ce que pour être heureux, il faut éradiquer les faibles ? Eh bien, je dirais que le problème, c'est peut-être plutôt, se situe plutôt du côté de ceux qui se gavent, et que la recette du bonheur, ce serait même plutôt l'inverse. Alors, je n'appelle pas à l'émeute mes amis, quoique, mais plutôt à la vigilance, hein, parce que si les Finlandais utilisaient la castration comme outil de domination, notre gouvernement, lui, a un petit penchant pour la sodomie, ce qui est tout aussi stérile, cela dit, mais beaucoup plus vicieux, parce que ça se passe dans notre dos. Voilà. Alors, pour vivre heureux, vivons cachés, disait un crétin. Et à ça, j'ai envie de répondre, non, pour vivre heureux, il faut se retourner et faire face quand ça commence à sentir le lubrifiant. Mais évidemment, ça implique de prendre des risques. Donc, je voudrais terminer avec cette citation du grand Jacques, qui, je l'espère, va réveiller chez vous votre sissu. Il disait, il est urgent d'être imprudent, et si vous vous cassez la gueule, vous vous cassez la gueule, on ne meurt pas de se casser la gueule, on ne meurt pas d'humiliation, ça n'existe pas. Alors, chers amis, à vos tambours, parce que vu le budget qu'ils ont pondu hier soir, ça commence un peu à sentir la vaseline. Bravo, merci beaucoup. Je tiens à préciser en plus que Paul, quand il fait ses chroniques sur la première, il est payé, et ici, il l'a fait gratuitement, donc on peut le réapplaudir, s'il vous plaît. Alors là, j'aimerais inviter nos trois intervenants qui vont faire partie du panel. Alors ici, ça, on rentre dans une phase plus participative. Vous avez vu qu'il y a Yakana qui nous fait des superbes beaux dessins depuis le début de la soirée. Alors l'idée, c'est que vous avez tous reçu, normalement, on va l'applaudir tout de suite, vous avez reçu des petits papiers, normalement, ou sinon, ils sont près de vous. Si vous avez des questions ou une réflexion, une interpellation, n'hésitez pas à l'écrire. Alors, ce qui est bien avec le côté écrit, c'est que ça pousse à la concision. Par contre, ne soyez pas gênés de votre écriture. Si ce n'est pas très clair, on va le réécrire pour bien pouvoir le projeter. Donc, votre question, votre réflexion sera projetée et ce sera l'occasion. Donc, moi, j'inviterai à ce moment-là nos intervenants à y réagir. Et donc, ce sera une interpellation en live avec les dessins d'Yakana. Est-ce que maintenant, on peut aussi vraiment remercier, parce que c'est un luxe, hein, on se croirait, c'est beaucoup mieux que question à la une. Je sais pas si ça existe encore, ce truc. Mais ça n'existe plus, non ? C'est mis au point, je ne sais plus, soit. C'était mis au point. C'était une émission qui ne marchait pas bien, mais ce qui était chouette, c'était les dessins de Kroll. Et ici, on a mieux que Kroll, on a Yakana avec nous. Merci de l'applaudir très chaleureusement. Alors, on a dit que c'était une soirée à petit budget, donc n'hésitez pas, je vous rappelle, de mettre de l'argent dans la caisse à l'entrée pour soutenir. Et on a en fait un micro, enfin deux micros pour trois. Donc merci pour quatre, merci de les partager. Alors je vais faire un exercice un peu difficile, je vais vous ennuyer directement. Je vais vous demander de répondre à chacune des questions. Il y a trois questions. En plus, c'est des questions à rallonge, donc c'est pas évident. De répondre en 2 minutes. Je fais exprès parce que du coup, ça va vous pousser à pas vous répéter. Et ça va vous forcer à mettre en avant ce que vous considérez qui est principal. Alors, première question. Tous les acteurs et toutes les actrices ici autour de la table sont globalement d'accord sur le constat de l'impact négatif des politiques néolibérales dans chacun des secteurs. À partir de ce constat-là, quelle dynamique de changement social peut-on mettre en place pour lutter contre cette logique ? Et quelle est la place de Tam Tam dans ce mouvement social plus large ? Chacun d'entre vous, avec votre propre perspective, je rappelle que Christine Mahy est, je ne sais pas si on dit porte-parole présidente du réseau de Wallon, secrétaire général du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Je propose que tu commences en ciblant vraiment sur, selon toi, ce qui est le principal. Je vais vraiment te chronométrer 2 minutes. Ceci dit, après, tu pourras amplifier ta réponse sans souci pendant les questions. C'est à toi. Merci, Christine. Bon, 2 minutes. Alors, si on est d'accord entre nous que le constat du néolibéralisme est tout à fait destructeur, à mon avis, l'enjeu important, c'est d'arriver à ce que les populations qui en subissent le plus les conséquences se trouvent avec nous, se trouvent dans la rue avec nous, se trouvent dans les réunions avec nous, se trouvent dans les salles avec nous, et se trouvent dans les croisements aussi, dans les croisements qui leur permettent à elles de comprendre l'oppression dans laquelle elles sont prises, parce que le système arrive à les convaincre qu'elles sont responsables de la situation dans laquelle elles sont, et arrive même à les convaincre que finalement, faire encore un effort de plus serait bien. Il y a même d'ailleurs des organisations qui cèdent à la violence du système en organisant et en assistant les gens par toutes sortes d'actions réparatrices, hein, liées à l'aide alimentaire, liées au fait de... Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des mouvements d'éducation permanente qui apprennent aux gens qui ont 900 euros à épargner tous les mois, etc., etc. Et donc, comment est-ce qu'on sort de ça et qu'on arrive à ce que les populations... et la conscience qu'elles sont, elles subissent les conséquences de ces systèmes-là, et qu'il faut qu'elles s'en départissent de se subir ça et de se mettre ensemble. Alors, je voudrais juste donner un petit exemple. C'est trop long, déjà. Non, là, t'as encore 44 secondes, là. Bon, alors, un petit exemple, simplement, d'une manière, et c'est parce qu'elle est récente et parce qu'elle concerne Mais Bruxelles. Mais parle bien... Bruxelles. Embrasse presque le micro, sans vouloir te... C'est parce qu'elle est récente et qu'elle concerne Bruxelles et la Wallonie. Au réseau Wallon, on est venu il y a 3 semaines d'ici avec 70 militants, personnes qui connaissent la pauvreté, passer 3 jours à Molenbeek. Mais pas passer 3 jours à Molenbeek avec des responsables d'associations, mais les 70 Wallons ont été rencontrés des habitants de Molenbeek, et ils ont pu se parler ensemble des difficultés respectives qu'ils rencontraient dans leur vie quotidienne, des combats respectifs, mais ils ont surtout pu fissurer les représentations erronées qu'ils avaient l'un sur l'autre. Alors, elles étaient plus intenses et plus graves des Wallons vers les Molenbeekois, puisque vous pensez bien que les Wallons pensent toujours que s'ils traversent Molenbeek, ils reviendront avec un couteau dans le dos. Et donc, c'est un exemple partant de la base de comment arriver à faire groupe ensemble et à se dire que ceux-là qui se sont rencontrés, il faut qu'ils en rencontrent 100 autres ailleurs et ainsi de suite, pour arriver à être dans la rue ensemble. Donc dans la rue et ailleurs. Hein. Et je vais répondre à ta place à la question sur que peut faire Tam Tam, mais surtout c'est être sur le terrain et réussir à faire que ces expériences-là existent. Merci beaucoup. On va jouer avec Yves. Non, Yves, si ça va pour toi. Donc Yves vient de la CNE, donc la Centrale Nationale des Employés, et il est aussi ici au nom de la plateforme Santé et Solidarité, plateforme Action Santé et Solidarité, qui fait partie de Tam Tam et qui apporte du contenu à plusieurs niveaux. Yves, tu as 2 minutes. Mais d'abord, ce qui me semble important, c'est que on n'est pas là, à un moment donné, où il n'y a rien eu. Donc, depuis des années, à l'intérieur des syndicats, on se pose la question comment être en phase avec les nouveaux mouvements sociaux, comment être en capacité d'ouvrir les portes et de créer de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, de nouvelles approches qui permettent à la fois à des jeunes, mais aussi à des gens qui ne se retrouvent pas dans le militantisme tel que nous l'avons mis en place pendant des années et des dizaines d'années, comment est-ce qu'on peut changer ? Et ça, ce n'est pas du jour au lendemain, et ce n'est pas Tam Tam qui, tout d'un coup, a trouvé la solution. C'est Tam Tam et plein d'autres initiatives qui vont dans le même sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'allier avec des mouvements qui ont la fragilité de l'éphémère, mais la vérité de la réaction et du militantisme, avec des structures qui ont la constance, la force, la structure pour tenir le coup. Et ça, on doit réussir ça. Si on n'arrive pas à mettre ensemble des grosses structures qui ont la capacité de tenir et des choses plus éphémères, mais qui viennent des tripes, qui viennent de « j'ai envie de réagir parce que je suis touché par une situation ». Si on n'arrive pas à faire ça, on n'arrivera pas à contrer cette vision unique, cette pensée unique, cette vision d'une société où tout est marché. Tout est un marché, tout est à vendre, tout est à acheter. Non, il est possible d'y arriver, mais nous devons mettre ensemble les forces des uns et des autres, les atouts des uns et des autres. Merci beaucoup Yves. Et alors, on peut l'applaudir tout à fait. Je pense que Yves souligne ici quelque chose qui est essentiel, hein, c'est que personne ne prétend ici, en tout cas quand les gens, les coordinateurs de Tam Tam m'ont demandé de faire la modération, moi j'ai suivi de près la mise en place de Tam Tam, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça se fait avec beaucoup d'humilité, déjà avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'humilité. Et personne ne prétend réinventer la roue. Et au contraire, l'idée, c'est de renforcer les mouvements qui existent aussi. Et à ce sujet, si ça te va, on va enchaîner avec une initiative dont tu voulais parler, qui est, après on passe au-dessus de la parole, Pierre, qui est 50 nuances de black, c'est bien ça ? Et qui est une vidéo, donc c'est une vidéo, je pense en plus, qui est sur le ton de l'humour, donc c'est toujours assez efficace, et qui montre qu'il y a des initiatives qui sont de tout type et qui peuvent être tout à fait liées et très efficaces. Est-ce qu'au niveau de la technique, on est bon ? C'est parti. Au départ, le gouvernement flamand veut régler un problème. Dans le foot, les coachs sont payés en black. Idée géniale. On va dire que jusque 500 euros par mois, le black est légal. Oui, mais le Conseil d'État siffle une faute. Ce n'est pas une compétence flamande, mais bien celle du gouvernement Michel. Solution à la belle. Le gouvernement Michel fait un copier-coller et le tour est joué. Oui, mais Maggie de Bloc trouve l'idée du black tellement géniale qu'elle se demande pourquoi on la limiterait uniquement au foot amateur. D'autres pourraient en profiter, non? On pourrait l'appliquer, par exemple, au personnel infirmier soignant, à l'accueil de l'enfance, au personnel de maintenance, sans oublier les concierges, les travaux domestiques, on y va. Il y en a plein. Évidemment, on ne va pas autoriser des chômeurs ou débitants à prendre cet argent. Pour eux, le black, c'est mal. C'est un péché. Non, cet argent serait uniquement réservé à des gens qui travaillent déjà à plein temps ou au moins à 4/5. C'est le minimum, c'est normal. Résultat, ceux qui cherchent du boulot restent sur la touche. Ceux qui travaillent déjà beaucoup peuvent travailler plus. Sans vrai salaire, sans alimenter la sécurité sociale, sans contrôle des compétences et des professions. En fragilisant les vrais professionnels par la concurrence déloyale, le mauvais emploi chasse le bon. Le volontariat, les vrais bénévoles, sont ringardisés par des bénévoles à 500 euros par mois. Ça vous paraît incroyable ? Alors lisez les détails sur 50nuancesdeblack.be. Je crois qu'on peut applaudir. Hein. Alors, Pierre, je me propose d'un peu spécifier la question et ça me permet d'avancer, mais c'est lié. Comment est-ce que tu penses, donc en tant que représentant ici de Solidaris, Solidaris qui, soulignons-le, est assez bien actif dans la campagne Tam Tam et un soutien de poids, comment est-ce que tu penses que des structures institutionnelles, historiques, donc ici les mutuelles dans ton cas, mais aussi les syndicats, mais aussi un paquet d'autres, jouent aujourd'hui encore un rôle important dans ce mouvement social? Et quels sont les aspects pour lesquels il est important de s'appuyer sur ces dernières? Quels sont les aspects qui nécessiteraient un renouvellement ou une innovation, ou au contraire un maintien du cap actuel, disons? Oui, bonsoir. peut-être rappeler que au début, les mutualités, elles n'avaient pas la forme qu'elles avaient actuellement, parce que les mutualités, elles se sont créées au 19e siècle dans des arrière-salles de café avec des militants qui, à un moment, sont décidés de se réunir et de cotiser pour faire face à la maladie, pour faire face aussi, et c'est comme ça aussi que les caisses de chômage se sont créées. Donc les mutualités, elles étaient là avant l'État, elles étaient là avant la sécurité sociale, et je crois que c'est pour ça que pour nous, s'inscrire dans un mouvement comme Tam Tam, c'est tout à fait légitime. Alors maintenant, depuis, on a un peu évolué, on a un peu fait du chemin, on est malheureusement des fois devenu un peu des genres de para-administration, mais ce qu'on peut porter dans un mouvement tel que Tam Tam, c'est le fait qu'on touche une grosse partie de la population. Si vous prenez par exemple Solidaris plus Mutualité Chrétienne, c'est 70% de la population belge qui sont affiliés, et donc on a cette capacité peut-être de faire porter des messages, on a les capacités aussi d'alimenter les réflexions au niveau de Tam Tam. Et là encore, je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut que chacun garde sa propre spécificité, sa propre identité, et qu'on ne soit surtout pas perçu comme étant concurrent ou le supra-organisme qui va essayer de tout régler. Donc ça, c'est peut-être ce point-là que je veux mettre en avant. Et tu disais, pour rebondir là-dessus, tu disais il y a un peu le risque d'être prestataire de service, non ? Donc il y a, avec l'évolution actuelle et malheureusement... une concurrence qui est indéniable dans le milieu aussi de la santé et des mutualités. Est-ce que tu vois des portes de sortie ? Est-ce que tu vois une manière de ne pas être dans la reproduction des schémas de concurrence qui sont malheureusement parfois de vigueur ? C'est vrai que quelquefois, au niveau des mutualités, on peut mettre le doigt là-dedans, dans ces logiques de concurrence. Et donc, je pense que justement, à ce niveau-là, c'est essentiel, en tout cas pour une mutualité comme la nôtre, de garder notre identité et de ne pas se lancer dans la surenchère. Je vais prendre un exemple. Ce qui fait l'ADN d'une mutualité, c'est vous êtes malade, vous avez des frais, et la mutualité va intervenir pour rembourser ces frais. Et il faut savoir qu'une des grandes discussions qu'on a actuellement avec la ministre de Bloch, c'est de savoir si les mutualités peuvent encore couvrir les tickets modérateurs qui restent à charge une fois que vous avez été chez le médecin. Mmh. Et donc un peu dans cette logique de « je responsabilise ». Et donc, vous devez payer, la médecine ne peut pas être gratuite, je vais interdire aux mutualités de couvrir ces frais. Et je crois que c'est via ce type d'exemple qu'on peut aussi faire la différence, en se disant, j'ai pas vraiment, en tant que mutualité, envie d'investir dans des trucs un peu bling-bling, comme des abonnements à des clubs sportifs ou des choses comme ça, mais j'ai envie de me concentrer vraiment sur ce qui fait notre fondement, ce qui fait notre base, c'est-à-dire la couverture santé. Merci beaucoup Pierre. J'en profite pour vous dire à tous les nouveaux arrivants, d'abord à nos amis du fond, qui a encore de la place devant, et donc n'hésitez pas à venir ici devant, ce sera un peu plus convivial. Aussi, si vous buvez un verre, c'est merveilleux, c'est jamais mauvais de boire un verre, enfin, un verre en tout cas, c'est jamais mauvais, mais ne pas faire trop de but au bar non plus, parce que cette salle est merveilleuse, elle est très jolie, mais elle a une acoustique assez difficile au niveau de l'oreille. En tout cas, quand on est sur la scène, on entend que parfois, il n'y a pas que des chuchotements qui sont liés au débat qui est sur la table. Ce n'est pas un problème en soi, vous pouvez aussi boire des verres sans problème. Alors, je voulais enchaîner avec toi, Christine. Tu es confrontée avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté à une population qui est précarisée et qui est une population qui aussi, historiquement, quand on voit l'histoire des syndicats, l'histoire... du mutualisme est une population qui est censée être pas seulement considérée, mais aussi l'objet principal de certaines de leurs missions. Est-ce que tu peux dire, c'est lié à la question que je viens de poser, est-ce que les structures institutionnelles historiques, qui sont des alliés Tam Tam et des alliés du mouvement social, pourraient aller plus loin pour moins délaisser ces personnes-là, ou tu considères que pour l'instant, tout va bien ? Comment tu penses qu'on pourrait faire des alliances entre les personnes qui sont vraiment très précarisées, qui sont parfois sorties du radar de nos institutions, et pour en faire des alliés pas seulement idéologiques ou politiques, mais des alliés dans la solidarité concrète vécue tous les jours. Ben, je pense que il y a quand même chez les gens qui subissent les conditions de vie, qui traversent la vie dans le trop peu, c'est l'expression que j'aime le mieux, qui traversent la vie dans le trop peu de tout, donc dans le trop peu de reconnaissance, de considération, d'argent, d'accès au logement, d'accès à la santé... de codes culturels reconnus et respectés dans le monde de l'enseignement, etc. Il y a eu une oppression qui a quand même été lente et progressive. Alors il y a effectivement des organismes, les mutuelles et d'autres, qui sont des opérateurs de soutien à travers la sécurité sociale de la vie des gens. Mais aujourd'hui, il y a gros risques, et souvent, nous on a souvent des militants qui aujourd'hui ont un propos et mettent tout le monde dans le même panier. Le politique est pourri, les mutuelles sont pourries, c'est de leur faute que les soins reculent, etc. Elles demandent trop d'argent, les syndicats, on n'y croit plus, parce que de toute façon, l'emploi est détruit, les conditions de travail, etc., etc. Donc il y a une perte de confiance, j'ai envie de dire, qui est un peu liée à l'ensemble des appareils organisés. Parce qu'il y a trop longtemps que les gens sont dans un abandon. C'est d'ailleurs ce qui fait que peut-être vous avez vu un slogan porté par le réseau Wallon lors de la manifestation des magistrats, qui est un panneau qui a été imaginé avec les militants et qui était « Les robes et les pauvres, hein, ensemble pour se battre, mince alors ». Alors le « mince alors » dit beaucoup. Parce qu'en fait, avant que ce gouvernement n'affecte la justice au point où elle l'affecte, fasse reculer la manière de pratiquer les droits, etc., la justice était déjà loin du compte de sa relation avec la population, et la population particulièrement précarisée. Les gens de petites conditions, ils sont traînés en justice, ils ne vont pas en justice. Hein, ils y vont pour des dettes d'énergie, ils y vont pour des dettes de loyer, etc. Et très souvent, d'ailleurs, ils renoncent à y aller parce que même s'ils ont l'impression qu'ils ont des droits face à un propriétaire, face à un employeur, etc., ils ont bien trop peur de perdre et ils ne bénéficient pas des codes culturels. Tu veux dire que là, en fait, quelque part, je vais être un peu cynique, mais que le néolibéralisme, en tout cas ce qu'on vit comme recul social, a fait que des alliances complètement inespérées et presque impossibles vivent sur le terrain. Oui, et je pense qu'il y a ce que ça veut dire, c'est que la gravité de la situation aujourd'hui avec l'effet accélérateur nous oblige, du côté des opérateurs organisés, à réfléchir à ça et à faire amende honorable sur ce qui n'a pas été pensé avant et qui avait l'air comme ça d'être au service de tout le monde, hein, soi-disant démocratiquement et reconnaissant l'entièreté de la population, ce qui n'était pas le cas nécessairement. Je veux dire, il y a longtemps qu'il y a du non-recours au droit, par exemple. Ça, c'est pas depuis ce gouvernement-ci. Il y a longtemps qu'il y a... que le droit au logement n'est pas un droit. Ce n'est pas que de ce gouvernement-ci, enfin, etc., etc. Alors ici, on a un effet accélérateur. Et moi, je pense que l'effet accélérateur par le gouvernement fédéral et l'allégeance au néolibéralisme de tous ceux qui l'ont fait provoque une opportunité de rencontre. Mais cette opportunité de rencontre, il faut que les corps dominants, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les appareils, réfléchissent chacun à l'endroit où elles sont et dans le croisement entre les appareils, comment ils vont écouter ces populations dans leurs propres institutions, c'est-à-dire comment eux-mêmes vont évaluer les dysfonctionnements qui font que des gens n'ont pas recours à un droit, comment les gens vont évaluer le dysfonctionnement de la danse des Sternacks. Allez, je vais prendre l'exemple de la santé. On a des exemples tous les jours de gens qui doivent être les ensembliers de leur dossier, tant la complexité des appareils est intense, mais tant aussi l'accueil éventuellement dans certains services et normalisé culturellement, comme si on s'adressait à des gens qui n'ont qu'à comprendre de quoi on leur parle et qui n'ont qu'à aller à la limite en s'asseyant devant un interlocuteur professionnel, devraient savoir comment la santé fonctionne. On a pléthore d'intervenants sociaux dans des services que depuis trop longtemps, j'ai presque envie de dire, espère que les gens qui vont venir s'asseoir en face d'eux savent déjà pourquoi ils viennent et ont déjà la clé de comment leur problème va être résolu, plutôt que de se dire, ouais, si les gens viennent devant moi, bah, ils sont dans un fatras et c'est mon rôle de dépatouiller le fatras et d'accepter de prendre le problème par le bout qui conviendra à la personne, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas du tout, je fais pas une critique généralisée en disant rien ne fonctionnait, mais je pense qu'il faut avoir la modestie de reconnaître que c'est pas nouveau. Que les mécanismes d'exclusion liés à l'organisation du non-recours au droit, au fonctionnement des institutions, à des appareils qui étaient trop huilés, qui avaient l'impression qu'ils allaient bien et que les gens qui rouspétaient ou qui se faisaient exclure de droit, ben c'était quand même peut-être que c'était de leur faute, etc. Ici, on a cet effet accélérateur qui révèle d'autant plus que c'est une responsabilité publique, que c'est une manière d'organiser les choses, que c'est une manière d'exercer sa profession, que c'est des priorités dans les répartitions des richesses dans la société qui doivent corriger ce tir-là. Et donc, je trouve qu'on a dans les mains le devoir de bien s'en servir pour le moment. Alors, je pense qu'on tend à le faire. Hein. Je pense que Tam Tam tend à le faire. Je pense que les rencontres qu'on a tendent à le faire. Je sais que ce soit avec les mutuelles ou d'autres appareils, effectivement, aujourd'hui, on se pose des questions pour savoir, tiens, est-ce qu'on ne produit pas de l'exclusion nous-mêmes à l'intérieur de nos systèmes ? Et aujourd'hui, on ne le nie pas nécessairement. Donc, mais c'est ça, important. Je propose qu'on... L'autre chose, je termine juste sur ça. Tout à l'heure, on disait, mais peut-être qu'il faut entrer dans la désobéissance aussi. Ben, ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des tas de gens dans la pauvreté qui sont régulièrement dans la désobéissance de survie. Tout à fait. Oui. Dans la désobéissance de survie, parce que s'ils ne désobéissaient pas pour survivre, ils crèvent. C'est ça. Ils crèvent au sens littéral du terme. Ne prenons que le statut de cohabitant, qui les met en difficulté financière de façon scandaleuse. Et qui est à la clé d'appliquer le statut de cohabitant, etc. Ben, on l'a par la porte d'entrée du chômage, on l'a par la porte d'entrée des CPS, on l'a par la porte d'entrée de la santé, donc par les trois bouts. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de combattre ça, pour que les désobéissants de la survie ne deviennent pas les sanctionnés de leur désobéissance uniquement parce qu'ils essayent de ne pas crever. Donc comment est-ce que les appareils peuvent, eux, décider de se mettre en danger avec ces gens-là? Pour désobéir collectivement, par exemple, à cette règle-là. C'est pas simple, hein, j'ai pas dit que c'était simple. Mais il est temps qu'on fasse, j'ai envie de dire, une bouée de sécurité qui révèle les dysfonctionnements qui se retournent contre les gens en prenant des risques institutionnels importants. Alors c'est difficile parce que est-ce qu'on est prêt de prendre des risques institutionnels sur ces dotations financières ? Est-ce qu'on est prêt de prendre un risque institutionnel qui nous conduira en justice parce qu'on a décidé par exemple de... Est-ce qu'on est prêt de dire que les visites domiciliaires c'est pas seulement pour les hébergeurs qu'elles sont scandaleuses, c'est pour les chômeurs, mais c'est aussi pour les CPS ? Les CPS pratiquent la visite domiciliaire depuis tout à fait. Toujours, hein ? Et personne ne s'est jamais insurgé contre la visite domiciliaire lorsqu'elle est là pour le statut de cohabitant. Or, il faut s'insurger sur ça. Et puis maintenant, ben, on le sait, au niveau de la santé, ça a été renforcé. Donc voilà, donc, Christine, comment est-ce qu'on fait nouvelle, corps ensemble ? J'ai une bonne nouvelle, donc, tu as explosé ton temps de prendre parole, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu as déjà enchaîné sur la troisième question. Je vais vite laisser Pierre rebondir, tu demandais, mais après je vais laisser un peu plus de temps à toi Yves, et je te dis déjà la question, comme ça tu as quelques secondes, le temps de ta réponse pour réfléchir. Je pense qu'ici, la question syndicale est primordiale. Donc, une des volontés vraiment, c'est d'allier des mouvements, on va dire, autonomes ou un peu moins structurés ou moins subventionnés avec des acteurs historiques qui sont mutualistes et syndicaux. Dans ce cas-ci, comment est-ce que tu penses que vous pouvez répondre ? Tu disais qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place depuis plusieurs années. En particulier, je pense par rapport que ce soit les travailleurs sans emploi ou les chômeurs de longue durée, des personnes qui ne rentrent plus dans le cadre classique du travailleur salarié. Et malheureusement, avec l'évolution du marché de l'emploi, on a de plus en plus de travailleurs ou de chercheurs d'emploi qui ne se rentrent plus dans aucune case. Comment est-ce que le syndicat peut ne pas les perdre